Maintenant, voici celui qui vous donne du chiptune, que vous en vouliez ou non, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, je vous présente un spécial hivernal avec les compilations Merry Chipmas 2013 et 2012 de BreakBreakBreak.com. Pour les deux prochaines heures, vous entendrez évidemment tous les classiques les plus kitten que vous connaissez déjà, comme Let It Snow, Joy to the World et Jingle Bell Rock, entièrement recréés avec vos sons préférés des générations 8-bit et 16-bit. Le tout sera accompagné de musique inspirée par la saison, comme quelques pièces de Casse-Noisette. Si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez télécharger les deux compilations ainsi que celles de 2011 et de 2010 sur assemblagerequis.com. On commence avec Merry Chipmas 2013, la compilation de l'an passé. Plus tard, il y aura D-Boy et Mutecky, mais commençons avec Joe Bleeps. Voici Step into Christmas. We'll be right back. c'était CL Source avec Santa Drank My Colemono, précédé de D-Boyd avec Jingle Bell Rock, de Muteki avec The Christmas Song, et on débutait avec Joe Bleeps et Step Into Christmas. On continue avec un deuxième bloc de Mary Chipmiss 2013 avec Ike Sam et Christmas Memories. Sleigh Ride par Two Player, précédé de Awetenbu no Santa Kurusu par Jiffy Pop 23, Sleeping Arms avec Tiny Snow Shovel, et on débutait avec Ika Sam et Christmas Memories. Vous écoutez la compilation Merry Chipmas 2013, évidemment de la musique de Noël ou de la musique hivernale, mais version chiptune. Et on continue à l'instant avec un autre bloc, plus tard Micro D, mon préféré Laffy the Fox, Mateka et 81TTR45HR10T. Avec 8-bit Kinderlin tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Choix, c'est fou. C'était Nighthawk par Mike Rudy, précédé de Laffy the Fox avec Santa Away, Madeka avec Let It Snow, et au début du bloc, c'était 8-Bit Kinderling par 81TTR45HR10T. Bravo pour le choix du nom, c'est vraiment super, ces posters, ça va être magnifique. Vous êtes dans Mary Chip Miss 2013, une compilation que vous pouvez retrouver sur breakbreakbreak.com. C'est évidemment une compilation de 22 pièces de musique de Noël ou de musique hivernale, mais en chiptune, c'est-à-dire musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou inspirée du moins par les jeux vidéo. Déjà, un autre bloc nous attend, c'est celui de Cloudy Girl, Kokai et Sketchman 3, mais commençons avec Starman Stan. Voici Grossborn Krampus tout de suite. MPS, le Mathieu Blanchot, Show, assez fou. We'll be right back. Stirring of the Mouse, a Carol of the Bells cover par Cloudy Girl. Avant, on a entendu Last Christmas Wham cover par Pokale. Avant ça, Sketchman 3 et Jesus Parvilly, Arnagie 3 mix. Et au début du bloc, c'était Starman Stan et Gross von Krampus. Wow! On écoute en ce moment la compilation Merry Christmas 2013, une compilation évidemment de musique de Noël, mais inspirée par les jeux vidéo. Et continuons avec un autre bloc qui va inclure Waylord, Thrandy Meon, Kay Faraday, aussi, mais commençons avec SPRY Spry. Voici Mouse Tour tout de suite au Mathieu Plante Show. Thank you. When Your Keys Are Locked in Car During Winter par Waylord, précédé de Trendy Meon avec Oh My God, Joy Joy. Avant ça, Kay Faraday avec The Christmas Tree. On a débuté le bloc avec Spry et Mouse Tour. Tout ça est vraiment difficile à comprendre. Vous pouvez retrouver le nom des pièces et télécharger les compilations Merry Christmas de 2013, 2012, 2011 et 2010 sur assemblagerequis.com. Il nous reste un dernier bloc dans cette première partie, la compilation de 2013. Plus tard, il y aura Pieces of Eight, mais débutons avec une autre pièce de Starman Stan, c'est Snowy Overworld. Vous écoutez MPS, le match des plans de choix, c'est fou. We'll be right back. Aces of Eight et Christmas Baby Please Come Home, précédé de Starman Stan avec Snowy Overlord. Dans Mathieu Plante Show, c'est la compilation Merry Christmas 2013 qui se termine là-dessus. Dans quelques minutes, dans la deuxième heure du Mathieu Plante Show, ce sera la compilation de 2012 qu'on va entendre. Tout plein de choses vraiment bonnes là-dedans. Alors restez avec nous. Bon retour, vous êtes toujours au Mathieu Plante Show, édition spéciale Merry Christmas, où on écoute deux compilations, celle de 2013 et de 2012 de BreakBreakBreak.com, qui nous présente ses compilations à chaque année depuis 4 ans. D'ailleurs, l'édition 2014 est en train d'être créée en ce moment. On demande les soumissions des gens pour pouvoir faire une compilation de 2014 qui va être disponible très bientôt, j'en suis certain. Mais pour l'instant, on embarque en 2012 avec un bloc de 4 pièces. Il y aura I Love Christmas ainsi que Chickens et Nut Rocker, mais débutons avec Always, inspiré par Coca-Cola. Là, c'est Coca-Cola Christmas. Tout de suite, au Mathieu Plante Show, c'est fou. We'll be right back. I Love Christmas de Frank Castle, précédé de Chickens Going Ho Ho Ho par Severe T-Stormer, Nutcracker avec l'artiste Mize, et au début du bloc, Pieces of Eight avec Always Coca-Cola Christmas. C'est la compilation Merry Christmas 2012 qu'on écoute en ce moment. Vous pouvez la télécharger sur breakbreakbreak.com/MC2012. On va continuer avec un deuxième bloc plus tard. Sleeping Arms, CL Source et Carnivorous vont nous jouer ça. Mais commençons avec Mega Flare. Voici I Saw Three Ships Come Sailing In. MPS, le Mathieu Plante Show, assez fou. Sleeping Arms par I Hate Xmas Parties, précédé de December 25th is Summer Day par CL Source, God Rest Ye Merry Gentlemen par Carnivorous, et on a débuté le bloc avec Mega Flare et I Saw Three Ships Come Sailing In. C'est la compilation Merry Chipmas 2012 qu'on écoute, évidemment de la musique de Noël, mais version chiptune, musique de jeux vidéo, je pense que vous l'avez compris en écoutant le bloc qui vient de jouer là, c'est assez évident. Continuons avec un autre bloc, plus tard il y aura encore une fois mon artiste préféré, mais il participe à tout, celui-là c'est Laffy the Fox. Il y aura aussi A Love Through Cannibalism ainsi que Pixel Tomb. Débutons avec Micro D. Voici sa pièce Femme, Femme, Femme. Donc Mathieu Planchot. Daffy the Fox avec Gil Wing's Christmas Reprise, Christmas Nights Cover, précédé de Christmas Swag et Joy to the World Part 2 par Love Through Cannibalism. Avant ça, Deckham par Pixel Tune, on débutait avec Micro D et Fum Fum Fum. C'est la compilation Merry Christmas 2012, évidemment qu'on écoute ici au Mathieu Plante Show. On a débuté avec la version de 2013 et là c'est la version de 2012. Vous pouvez retourner en arrière et entendre les versions de 2011 et 2010 si vous allez sur assemblagerequis.com. Continuons maintenant avec un autre bloc. Plus tard, les artistes My Life is Pixels, Spry et Cloudy Girl. Mais débutons avec Aeros. Voici Welcome Home. MPS, le Mathieu Plante Show, assez fou. Mm-hmm. c'était My Life is Pixels avec Winter Wizard, mais sans les voyelles, donc WNTRWZRD, précédé de Spry avec Dance of the Sugar Plum Fairies, une pièce que tout le monde connaît, que tout le monde trouve parfois gossante. Avant ça, Feliz Navidad, s'il y a une pièce qu'on est tenu d'entendre, c'est bien celle-là, par Cloudy Girl. Et on a débuté avec Eros et Welcome Home. Il nous reste seulement le temps pour deux dernières pièces. Plus tard, il y aura Mush et Player 3 avec Matching Sweaters Happy Festivus. Mais débutons avec Awesome Force et God Rest Ye Merry Gentlemen. MPS, le Mathieu Plante Show sur ses... Matching Sweaters, Happy Festivus par Mouche et Player 3. Avant ça, on a entendu Awesome Force avec God Rest Ye Merry Gentlemen. Il nous reste encore un paquet de pièces, les pièces 19 à 26 sur la compilation de 2012 de Mary Chipmiss, mais par contre, on manque de temps. C'est dommage, vous allez devoir les écouter sur assemblagerequis.com. Les liens sont là pour les compilations de 2013, 2012, 2011 et 2010. Je vous rappelle encore que vous pouvez participer, si vous êtes amateur de fabrication de chiptune, à la compilation de 2014 en visitant breakbreakbreak.com. Voilà, c'est ce qui termine cette édition spéciale du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve en janvier dans une nouvelle case horaire. Oui, encore une autre nouvelle case horaire. Cette fois-ci, on va être en direct les mercredis entre 13h et 15h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. On va être de retour le 5 janvier. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès et Fou les mercredis maintenant de 15h à 18h. On descend d'une heure à partir du 7 janvier. Consultez la programmation complète sur CIFO.ca et retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!